Ben. Bonne soirée, Benjamin. 0 décibel. Ah ben oui, merde, il parle pas français. Flip, you peak again near 0 decibel. There's no way to jump. Tune your level with crapwood. Comme ça, de ton riff, pendant 2-3 minutes, et puis revenir sur la fondamentale. Tu saurais faire ça? Ah, ça serait profitable, t'enrichirais la tonalité. Oh, it's not in the way.